Mahomet ou le Christ, c'est nulle la différence. Les hommes veulent le salut, d'où part la déférence. Respecte mon Dieu, comme je respecte le tien. Pourquoi s'attaquer au mien, comme si je ne valais rien. J'aime le Christ, un bon chrétien. Mes potes sont tous des païens, mais je n'ai rien à foutre de tout ça. Car au quotidien, ils me réchauffent par leur rire, par leurs pleurs, par leur chagrin. On est tous pèlerins, besoin d'accomplir des choses bien. Ces colons, impérialistes, capitalistes qui sont coupables. Putain condamnable, putain incapable. Qu'est-ce qu'ils foutent le bordel? Perpétue la misère. Plus que répressif, agressif, artisan des guerres. Reviens frère, nous sommes frères. Nous vivons les mêmes galères. Nous buvons la même coupe, la même soupe, la même soucoupe. Plane au-dessus de nos têtes, le gros troupeau de bêtes. Quand on pète tous ces câbles, ça ne profite qu'à ces pervers. Les guerres de religion, triste fabrication, un outil de manipulation de masse. Moyenne d'élection, ne te laisse pas piéger frère. Ça vole comme du gaz, ça pond des kamikazes. Vois-les venir pompiers pyromanes. Laisse-moi vous mettre tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Si je suis tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Laisse-moi vous mettre le dur. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu caricatures? C'est où le problème? Les minorités sont bien leurs dures. Laisse-moi vous mettre tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Si je suis tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Laisse-moi vous mettre le dur. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu caricatures? C'est où le problème? Les minorités sont bien leurs dures. Ok, moi je suis Charlie. Ok, elle, elle est Charlie. Ok, lui n'est pas Charlie, mais c'est bon, on reste amis. Frérot, fais taire la polémique sur le monde islamique. Mahomet n'a pas prévu qu'on devrait zigouiller des jésuites. Hey, hey, ça sonne faux, ça sonne faux. Que tu subventionnes les emplois, tu subventionnes le CFDO, tu subventionnes la guerre. Serait-il guerriero? Feu sur du copo, c'est de trop tous ces moralos. Je peux bien être Charlie, il peut être Charlie. On est banni. C'est quoi ton problème? Tu es arbitre et parti? Non, fais pas ça, on sait aussi la loi. Liberté d'expression, de pensée, ça se limite à quoi? Respecter la divinité, exprimer sa pensée, c'est deux choses qui diffèrent. L'intello, faut pas l'oublier. Mon drapeau est peace, peace, baby, peace, peace sur des bonnes bases. Pas besoin de terrorisme. Laisse-moi vous mettre tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Si je suis tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Laisse-moi vous mettre le dur. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu caricatures? C'est où le problème? Les minorités sont-elles leurs dures? Laisse-moi vous mettre tranquille, laisse-moi vous mettre tranquille. Si je suis